Je l'ai vu pleurer cette fille quand elle a su que tu partais. Je l'ai vu souffrir toute sa vie. Toi tu pars sans la regarder. Oh, oh, regarde-toi et ose dire que tu n'aimes pas la faire souffrir. Le salaud c'est pas toi pour moi. Tu es pire que ça. Je l'ai vu courir dans la nuit pour tenter de te ramener. Je l'ai même vu déchirer sa vie, tout ça pour pouvoir te combler. Oh, oh, je ne te ferai pas ce plaisir. Je ne te laisserai jamais partir. Pour elle j'ai parcouru la terre, pour toi ce sera l'enfer. Où est-elle? Je sais, elle ne sera jamais mienne. Avec moi elle rêve, je fais tout ce que j'ai pu pour elle. Tu sais, elle se ment.